même race, ils ne seront pas. Vachement efficace, le clonage est déjà là. C'est un physique à pompe nucléaire, corrompt les caïras. Avec un vrai lingère que ton petit jouera. Tomberont par terre un à un tous les chefs d'état. Chacun tient son quartier et c'est chacun pour soi. Respecte pas le règlement et je t'arrache un bras. Pour se battre comme des rêves, ils ont choisi notre monde. Le mal et le bien n'arrêtent pas une seconde. Tu ne sens rien, mais négatifs sont les ondes. Sur le déclin et ce pauvre monde. Pour se battre comme des rêves, ils ont choisi notre monde. Le mal et le bien n'arrêtent pas une seconde. Après ce jour, il n'y aura pas de repousse. Plus de fleurs, plus de balles.